sont sacrés les MC un par un. Testo pas mal, ici on sait très bien c'est qui le parrain. J'suis tellement chaud que j'suis en concurrence avec le soleil. J'écris jusqu'à l'eau pendant que toi tu as sommeil. Ici ça deal pour avoir un coupé. Si t'as pas de mal mon papi, on espère même pas t'accoupler. Y'a des bitches qui jugent sans avoir écouté. Alors j'suis venu fermer leur gueule avec un refrain et trois couplets. Chez moi même des détours, personne me montre le chemin. Tellement que j'ai les boules remontées dans l'intestin. Comment tu peux voir en moi, mec j'crois pas en moi-même. Ma vie est trop tard pour les sons, alors j'ai pris en tête. Dans ce pays y'a des sources, c'est pour ça que le rap est muet. Comme tu cette merde, j'suis venu pour la remuer. Dans mon clip pas de monnaie et pas de grosse voiture. La monnaie elle est partie pour le loyer et les factures. Surtout viens pas tester, toi-même tu sais. Comme un bird, moi je suis trop fly. C'est trop chaud quand le gamin vient de la East Side. Surtout viens pas tester, toi-même tu sais qui c'est. Comme un bird, moi je suis trop fly. C'est trop chaud quand le gamin vient de la East Side. Sur moi est fils de jean, pas de gros chaîne bling bling. J'suis parisien, tu veux test, viens monte sur le ring. Ça veut tien avec ou sans préliminaire. On va pas en tôle pour t'aider les mineurs. J'suis une bombe nucléaire, appelle la brigade de tes mineurs. Je jure, j'suis un dalle, j'suis un peu comme un clébard. Vas-y, dégage de là, c'est pas à moi que tu mettras une beubard. J'baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. C'est pas du réel, a toujours les jambes écartées, la tour Eiffel. Dans ce rap, c'est clair, y'a trop de Tommy. Ils me sucent tous, ils confondent ma bite avec le chromie. J'en peux rien, j'lâche des punchlines, j'suis en forme. Ta femme est chez WAM pendant que toi, tu te branles sur YouPorn. Surtout viens pas tester, toi-même tu sais qui c'est. Comme un bird, moi je suis trop fly. C'est trop chaud quand le gamin vient de la East Side. Surtout viens pas tester, toi-même tu sais qui c'est. Comme un bird, moi je suis trop fly. C'est trop chaud quand le gamin vient de la East Side. Beaucoup trop me dégoûte, beaucoup trop de blablateurs. Putain y'a que de la merde dans nos écouteurs. Dans mon coin ça baisse. Mes feuilles sont vierges, les gars miniques choupe à choupe, ça préfère sucer des verges. Mec on sait tous que tu nous détestes, par M2 check. Au fait en tant qu'ace, y'a ton cerveau qui part avec. Une femme ça vaut de l'or, ma main fait du bénévolat. La flemme du samedi soir c'est au whisky pas avec Travolta. J'ai plus d'espoir qu'un muet dans un studio. Nique sa mère les profs, désolé j'suis pas studieux. Hey mec j'baisse trop, j'suis sponsor par une marque de capote. Toi t'es Bugs Bunny, tu te prends que des carottes.